Chapitre 6e. Deux événements imprévus, dont l'un fut ridicule et l'autre sérieux, arrivèrent presque en même temps. Gaston était un matin dans l'avenue de la maison, essayant un cheval qu'il venait d'acheter, lorsqu'un petit garçon, à demi couvert de haillons et presque nu, vint à lui d'un air résolu et s'arrêta devant son cheval. C'était Pierrot, le gardeur de Dindon. Gaston ne le reconnut pas, et croyant qu'il lui demandait l'aumône, il lui jeta quelques sous dans son bonnet. Pierrot mit les sous dans sa poche, mais au lieu de s'éloigner, il courut après le cavalier et se replaça devant lui quelques pas plus loin. Gaston lui cria deux ou trois fois de se garer, mais en vain. Pierrot le suivait et l'arrêtait toujours. « Que me veux-tu, petit drôle ? » demanda le jeune homme. « As-tu juré de te faire écraser ?»« Monsieur, » répondit Pierrot sans se déranger, « je voudrais être domestique de monsieur. »« De qui ?»« De vous, monsieur. » De moi ? Et à propos de quoi me fais-tu cette demande ? Pour être domestique de monsieur. Mais je n'ai pas besoin de domestique. Qui t'a dit que j'en cherchais un ? Personne, monsieur. Que viens-tu donc faire alors ? Je viens demander à monsieur d'être son domestique. Est-ce que tu es fou ou tu te moques de moi ? Non, monsieur. Tiens, laisse-moi en repos. Gaston lui jeta encore quelques monnaies, et détournant son cheval, il continua sa route. Pierrot s'assit sur le bord de l'avenue, et Margot, venant à y passer quelque temps après, l'y trouva pleurant à chaudes larmes. Elle accourut à lui aussitôt. « Qu'as-tu, mon pauvre Pierrot ? Que t'est-il arrivé ?» Pierrot refusa d'abord de répondre. « Je voulais être domestique de monsieur, » dit-il enfin en sanglotant, « et monsieur ne veut pas. » Ce ne fut pas sans peine que Margot parvint à le faire s'expliquer. Elle comprit enfin de quoi il s'agissait. Depuis qu'elle avait quitté la ferme, Pierrot s'ennuyait de ne plus la voir. Moitié honteux et moitié pleurant, il lui raconta ses chagrins, et elle ne put s'empêcher d'en rire et d'en avoir en même temps pitié. Le pauvre garçon, pour exprimer ses regrets, parlait à la fois de son amitié pour Margot, de ses sabots qui étaient usés, de sa triste solitude dans les champs, d'un de ses dindons qui était mort. Tout cela se mêlait dans sa tête. Enfin, ne pouvant plus supporter sa tristesse, il avait pris le parti de venir à Laonville et de s'offrir à Gaston comme domestique ou comme palefrenier. Cette détermination lui avait coûté 8 jours de réflexion, et comme on vient de le voir, elle n'avait pas eu grand succès. Aussi parlait-il de mourir plutôt que de retourner à la ferme. « Puisque monsieur ne veut pas de moi, » dit-il en terminant son récit, « et puisque je ne peux pas être auprès de lui comme vous êtes auprès de Madame de Radour, je me laisserai mourir de faim. » Je n'ai pas besoin de dire que ces derniers mots furent accompagnés d'un nouveau déluge de larmes. Margot le consola de son mieux, et le prenant par la main, l'emmena à la maison. Là, en attendant qu'il fût temps pour lui de mourir de faim, elle le fit entrer dans l'office et lui donna un morceau de pain avec du jambon et des fruits. Pierrot, inondé de larmes, mangea de bon appétit en regardant Margot de tous ses yeux. Elle lui fit comprendre aisément que, pour entrer au service de quelqu'un, il faut attendre qu'il y ait une place vacante, et elle lui promit qu'à la première occasion, elle se chargerait de sa demande. Elle le remercia de son amitié, l'assura qu'elle l'aimait de même, essuya ses larmes, l'embrassa sur le front avec un petit air maternel, et le décida enfin à s'en retourner. Pierrot, convaincu, fourra dans ses poches ce qui restait de son déjeuner. Margot lui donna en outre un écu de 100 sous pour s'acheter un gilet et des sabots. Ainsi consolé, il prit la main de la jeune fille et colla ses lèvres en lui disant d'une voix émue « Au revoir, mademoiselle Marguerite. » Pendant qu'il s'éloignait à pas lents, Margot s'aperçut que le petit garçon commençait à devenir grand. Elle fit réflexion qu'il n'avait qu'un an de moins qu'elle et elle se promit, à la première occasion, de ne plus l'embrasser si vite. Le lendemain, elle remarqua que Gaston, contre son ordinaire, n'était point allé à la chasse, et qu'il y avait dans sa toilette plus de recherche que de coutume. Après dîner, c'est-à-dire vers 4 heures, le jeune homme donna le bras à sa mère, et tous deux se dirigèrent vers l'avenue. Ils causaient à voix basse et paraissaient inquiets. Margot, restée seule au salon, regardait avec anxiété par la fenêtre, lorsqu'une chaise de poste entra dans la cour. Gaston courut voir la portière. Une vieille dame descendit d'abord, puis une jeune demoiselle d'environ 19 ans, élégamment vêtue et belle comme le jour. À l'accueil qu'on fit aux deux étrangères, Margot jugea qu'elles n'étaient pas seulement des personnes de distinction, mais qu'elles devaient être des parentes de sa marraine. Les deux meilleures chambres de la maison avaient été préparées. Lorsque les nouvelles arrivées entrèrent au salon, Madame de Radour fit un signe et dit tout bas à Margot de se retirer. Celle-ci s'éloigna à contre-cœur, et le séjour de ces deux dames ne lui sembla rien promettre d'agréable. Elle hésitait le jour suivant à descendre au déjeuner, quand sa marraine vint la prendre et la présenta à Madame et à Mademoiselle de Vercelles. Ainsi se nommaient les deux étrangères. En entrant dans la salle à manger, Margot vit qu'il y avait une serviette blanche à sa place ordinaire qui était à côté de Gaston. Elle s'assit en silence, mais non sans tristesse, à une autre place. La sienne fut prise par Mademoiselle de Vercelles, et il ne fut pas difficile de voir bientôt que le jeune homme regardait beaucoup sa voisine. Margot resta muette pendant le repas. Elle servit un plat qui était devant elle, et quand elle en offrit à Gaston, il n'eut pas même l'air de l'avoir entendu. Après le déjeuner, on se promena dans le parc. Lorsqu'on eut fait quelques tours d'allée, Madame de Radour prit le bras de la vieille dame, et Gaston offrit aussitôt le sien à la belle jeune fille. Margot, restée seule, marchait derrière la compagnie. Personne ne pensait à elle, ni ne lui adressait la parole. Elle s'arrêta et revint à la maison. À dîner, Madame de Radour fit apporter une bouteille de Frontignan, et comme elle avait conservé en tout les vieilles coutumes, elle tendit son verre avant de boire pour inviter ses hôtes à trinquer. Tout le monde imita son exemple, excepté Margot qui ne savait trop quoi faire. Elle souleva pourtant aussi un peu son verre, espérant être encouragée. Personne ne répondit à son geste craintif, et elle remit le verre devant elle sans avoir bu ce qu'il contenait. « C'est dommage que nous n'ayons pas un cinquième, » dit Madame de Vercelles après dîner. « Nous ferions une bouillotte. » On jouait alors à la bouillotte à cinq. Margot, assise dans un coin, se garda bien de dire qu'elle savait y jouer, et sa marraine proposa un whist. Le souper venu, au dessert, on pria Mademoiselle de Vercelles de chanter. La demoiselle se fit longtemps prier, puis elle entonna d'une voix fraîche et légère un petit refrain assez joyeux. Margot ne put s'empêcher, en l'écoutant, de soupirer et de songer à la maison de son père, où c'était elle qui chantait au dessert. Lorsqu'il fut temps de se retirer, elle trouva, en entrant dans sa chambre, qu'on en avait enlevé deux meubles qui étaient ceux qu'elle préférait, une grande bergère et une petite table en marqueterie sur laquelle elle posait son miroir pour se coiffer. Elle entrouvrit sa croisée en tremblant pour regarder un instant la lumière qui brillait ordinairement derrière les rideaux de Gaston. C'était son adieu de tous les soirs. Mais ce jour-là, point de lumière, Gaston avait fermé ses volets, elle se coucha l'amour dans l'âme et ne put dormir de la nuit. Quel motif amenait les deux étrangères et combien de temps durerait leur séjour? Voilà ce que Margot ne pouvait savoir. Mais il était clair que leur présence se rattachait aux entretiens secrets de Madame de Radour et de son fils. Il y avait là un mystère impossible à deviner, et quel que fût ce mystère, Margot sentait qu'il devait détruire son bonheur. Elle avait d'abord supposé que ces dames étaient des parentes, mais on leur témoignait à la fois trop d'amitié et trop de politesse pour qu'il en fût ainsi. Madame de Radour, pendant la promenade, avait pris grand soin de faire remarquer à la mère jusqu'où s'étendaient les murs du parc. Elle devait parler à l'oreille des produits et de la valeur de sa terre. Peut-être s'agissait-il de vendre la Honville, et dans ce cas, que deviendrait la famille de Margot? Un nouveau propriétaire conserverait-il les anciens fermiers? Mais d'autre part, quel motif pouvait avoir Madame de Radour pour vendre une maison où elle était née, où son fils paraissait se plaire, lorsqu'elle jouissait d'une si grande fortune? Les étrangères venaient de Paris, elles en parlaient à tout propos, et ne semblaient pas d'humeur à vivre aux champs. Madame de Vercelles avait fait entendre à souper qu'elle approchait souvent l'impératrice, qu'elle l'accompagnait à la malmaison, et qu'elle avait ses bonnes grâces. Peut-être était-il question de demander de l'avancement pour Gaston, et il devenait alors naturel qu'on fît de grandes flatteries à une dame en crédit. Telles étaient les conjectures de Margot. Mais quelque effort qu'elle pût faire, son esprit n'en était pas satisfait, et son cœur l'empêchait de s'arrêter à la seule supposition vraisemblable qu'eût été en même temps la seule vraie. Deux domestiques avaient apporté à grand-peine une grosse caisse de bois dans l'appartement qu'occupait Mademoiselle de Vercelles. Au moment où Margot sortit de sa chambre, elle entendit le son d'un piano. C'était la première fois de sa vie que de pareils accords frappaient ses oreilles. Elle ne connaissait, en fait de musique, que les contredanses de son village. elle s'arrêta pleine d'admiration. Mademoiselle de Versailles jouait une valse. Elle s'interrompit pour chanter et Margot s'approcha doucement de la porte afin d'écouter les paroles. Les paroles étaient italiennes. La douceur de cette langue inconnue parut encore plus extraordinaire à Margot que l'harmonie de l'instrument. Qu'était-ce donc que cette belle demoiselle qui prononçait ainsi des mots mystérieux au milieu d'une si étrange mélodie ? Margot, vaincue par la curiosité, se baissa, essuya ses yeux, où roulaient encore quelques larmes, et regarda par le trou de la serrure. Elle vit mademoiselle de Versailles en déshabillé, les bras nus, les cheveux en désordre, les lèvres entr'ouvertes et les yeux au ciel. Elle crut voir un ange. Jamais rien de si charmant ne s'était offert à ses regards. Elle s'éloigna à pas lents, éblouie et en même temps consternée, sans pouvoir distinguer ce qui se passait en elle. Mais tandis qu'elle descendait l'escalier, elle répéta plusieurs fois d'une voix émue : « Sainte Vierge, la belle beauté !»